bonsoir. Merde, j'ai pas le casque. 300, mets ton casque. 375e, j'ai dit en français, numéro de Pyongyang City Rockers. Ce soir, équipe au complet. Ah non, il n'y a pas Thibaut. Bon, il va arriver peut-être, hein, je sais pas. Piquet, ah, on va entendre son doux brame à la porte. Ça sera bien. Et Jamie ne l'a pas vu au bar. Tu l'as pas vu au bar? Bon, bah c'est tout alors. C'est que je te dis. Même Ripoll, il est là. On va essayer de l'attirer dans notre antre. Un soda. Une boîte de l'ice tea. Non, mais aussi. Il y a beaucoup de choses à passer ce soir, vu que, en comptant tout ce que tout le monde a ramené, il y en a pour 1h12. Donc, si t'avais un t-shirt. On est bien. Alain Flelou. Ah non, va Fancourt. C'est pour aller mettre à Charleroi, c'est bien, ça, ils comprennent. Ah oui, ils comprennent bien. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, de par ce principe, quand je défends mon pays. Quand même Charleroi, elle crie, tu sais. Charleroi. Oh, Putain Club. Bah, déjà, on dit Charles King. Va prendre coulo, Putain Club. Comprenait-il l'italien? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un des plus anciens groupes punk néerlandais encore en activité. Ils font plus du punk maintenant. Hein. C'est devenu une espèce de rock sauce. Bon, bref, parce que ceux qui faisaient du punk au départ, ils se sont barrés du groupe. Ils ont été remplacés par des rockers à la con. C'est Rock Norkex. Voici un titre où le chanteur parle des mérites de sa copine qui a la voix rock. Voilà, et elle ne serait pas aussi. Il ne l'aimerait peut-être pas autant si elle n'avait pas cette rauque voix. Lang the Hard of Nicht par Truc Narcax. Ça va, Célia? Tu es là? Ouais, bah, j'ai même pas fait les présentations, dis c'est donc. Vrai. Bah, je me suis dit pareil, effectivement. Ouais. Bah, dis donc, ça, c'est pas parce qu'on parle de Charleroi. Puis on a dit... Oh, bon, alors là, tu vois. En même temps, t'as dit qu'il y avait presque tout le monde, donc ils doivent nous connaître à force. Non, ouais. Ah, bonjour à Pierre qui nous écoute. Sauf les gens qui se branchent pour la première fois, c'est on sait pas, hein, 375. Bonjour aux gens qui se branchent pour la première fois aussi. Bonne chance. Bon courage. Oui. Du coup, moi, je vais vous parler de Mess. C'est un groupe de oi punk mexicain. Ils sont actuellement en tournée européenne avec Claim Shoes et Lion Slow. D'ailleurs, c'est pas tout le groupe qui est venu du Mexique. Il y a deux basses qui sont sur cette tournée, notamment le batteur, qui est un membre de Colpeca. Ouais. Et le guitariste. Pensez des choses. Bah ouais. Leur dernier album, c'est Under Attack. Il est sorti en 2023 chez Mendeku Discac. Et on écoute tout de suite Last Call de Metz. Attends, je l'ai pas mis. Chers nouveaux auditeurs, bon courage. Qu'est-ce que tu viens foutre le Metz dans mon émission? Non, je l'ai pas. Il n'est pas là. Ah, si, bon, Jamie, voilà. T'es prêt? Hey, Stéphane, don't mess with us. Ouais, non, mais parce qu'en fait, t'avais mis d'autres. Oui, voilà, c'est ça. Grave, il y a une petite surprise après. Metz. We'll be right back. Bon, Val, tu as un micro. Certain. Comme on dit au Brésil. Je voulais juste désannoncer Colpeca qu'on a entendu juste après Metz, vu que j'en ai parlé avant. Est-ce que c'est un morceau extrait de la démo? C'est pas. Il me semble, c'est un morceau extrait de. Il y a trois titres dispo sur Bandcamp. Je sais pas si c'est la démo. Ouais, je pense que c'est la cassette. Alors, faut savoir qu'à ce moment-là, les gamins ont enregistré ça, ils avaient 15 ans. Ouais, j'ai vu leur tête sur Bandcamp, ils avaient l'air d'être tout jeunes. Morceau de. Enfin, ils ont commencé en 2019, compte maintenant, ils sont un peu plus vieux, mais ouais, ils ont commencé à 15 ans. C'est ça, on devient tous plus vieux. C'est. Parlement. Même rythme d'ailleurs. C'est bizarre. Hein, enfin, ça dépend. Il y en a, ils sont vieux tout de suite. Hein, on va pas donner de nom. Ils arrivent à 16-17 ans, tac. Et il y a JJ Faster qui dit moi aussi, je veux un bonjour parce que j'écoute aussi. Bonjour JJ. Bonjour JJ. T'as qu'à venir, bâtard. Au bon accueil. Pas quoi. Bon, à moi. Allez. Si tu veux. Mais tu as mon morceau, au moins. Vas-y. Bon, dans le doute, je ne vais pas m'abstenir. Bon alors, qu'est-ce que j'avais à présenter? Ah oui, alors, mais que met-il dans les pinchos basques? Elle se fout de ma gueule, elle ne sait pas ce qu'elle a ramené. Alors, oui, bah, moi je vais vous parler, je ne vais pas être très original, mais bon, ça prête à rire. Le Pays basque, bah ouais, qu'est-ce qu'ils foutent dans les biberons des gamins? Est-ce qu'ils dopent les gamins dès l'école secondaire? On n'en sait rien. Mais il y a de quoi se poser la question, car je vous présente aujourd'hui encore un nouveau groupe du coin. De Pamplune, plus précisément, qui ne fait qu'allonger, pour notre plus grand bonheur, la liste déjà bien fournie des groupes qui hurlent dans un langage incompréhensible pour le commun des mortels. Ouais, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. On comprend, nous. Voici donc Reaper, éventreur, donc, à ne pas confondre avec The Reaper. Je sais. C'est un des blagues de Ripoll dans Ashton. Ripoll, ouais, déchire. Oui, je sais. Donc, à ne pas confondre avec The Reapers, les faucheurs. Tout ça est bien sympathique, ma foi. Ce sont trois messieurs au sujet desquels il est difficile de trouver des infos. Il n'y a absolument rien en ligne à leur sujet. Mais j'ai des contacts. Je peux vous dire qu'ils sont issus d'autres groupes tels que Against You ou encore The Dillingers. Et bah, ça envoie du street punk bien nerveux. Ils viennent de sortir ce 26 janvier à 14h15. Jimmy, il n'est pas la merde. Je voulais faire un peu de concurrence, mais c'est loupé. Donc, ils viennent de sortir ce 26 janvier 4 morceaux uniquement dispo sur le banc de camp. Et on écoute alors. Sun Tzu Etzatsu, c'est pas du japonais, ça veut dire détruisez-le. Ah bon, le premier mot c'est pas saucisson. Tu vois, tu ne m'aides pas. Ils viennent de Pamplune. Saucisson Etzatsu. Ironia, ah j'avais pas entendu. Oui, oui. Ironia, ouais. Ironia. Go. Reaper. Que l'invasion des mecs en doudoune bleue, franchement. On aurait dû se concerter parce que j'ai aussi un groupe basque qui vient exactement de la même ville. De Pampelune. Bah ouais. Mais enfin, ils sont bons, donc voilà. Ouais, ouais. Bah ouais. Diraki, c'est un groupe donc, qui nous vient du Pays basque, partagé entre la vallée d'Aezkoa et Irunia, donc Pampelune, et qui joue un punk rock aux paroles engagées. Les gars ont commencé le groupe en 2020. Ils ont sorti en 2022 leur premier album « It's All S. Dadine ». Et plus récemment, ils ont sorti un split « Harim » avec le groupe qui s'appelle « Engoura ». Engoura, qui est un autre groupe de Navarre. Je vous propose d'écouter le morceau « Codex Calixtinus », extrait de ce split. C'est très bien. Tout de suite, Diraki de Pamplune sur le 106,6 de ta bande FM. Ascata Suna. Il n'y a pas beaucoup de meufs dans les groupes basques. C'est quoi ce bordel, hein? Je suis sûr que Val pourrait t'en citer 2-3. Ok, bah moi j'en passe un peu. Alors, oui, mais il faut que je vous regarde mes notes. Mais pour l'instant, il y a Jamie qui voudrait prendre la parole. Ah oui, oui. L'heure Irish. Bah, sinon, on passerait avant. Non, vas-y, c'est à toi, gros. Là, vas-y. Ouais. Alors, moi, je vais vous passer une exclusivité. Wouah, Jamie qui a des exclus maintenant. Ouais, merci Gaël. Toi, tu balances ses sources, quoi. C'est clair. Alors, j'ai une exclue. Alors, ça vient de Dublin. C'est Grit. Un EP posthume pour les Irlandais. Avec 4 titres sonorités oi, punk, un peu mélodique. Et donc, on est déjà dans le futur parce qu'ils ont un Bandcamp et c'est paru le 27 février 2025. C'est pour ça que j'arrivais pas à le trouver. Okay. Bah ouais. Alors, il n'y a qu'un titre sur le Bandcamp, mais moi, je vais vous passer Grit, le titre éponyme. Qui n'est pas en écoute, qui est en exclusivité sur le 106,6. Ouais. Et on peut remercier... Gaël et Jamo. Non, le label Une Vie pour Rien. Hey You. Ah oui, non, c'est Hey You Records. Oh, une subdivision du label Une Vie pour Rien. Ouais. Ah oui, c'est moi qui lance. Bah, oui. C'est bon. Bah quoi, non, c'est bon. Staring down poverty, what's the Lord's gonna wear a rubbery? sauter. Ça va sauter sur Over the Hill. Merci les gars, il est 20h24 à l'antenne de Campus. Hey you record. C'est Pyongyang Tea Rockers. Moi j'en ai marre de ces pays chauds et très au sud. Donc je vais là où me conduit mon tropisme. Non, bah non, le Bourinage, Charleroi, tout ça. C'est très au sud. C'est très au sud de la Belgique. C'est pas le Bourinage déjà. Moi je vais en Finlande avec Ourit, les victimes. Avec le titre, c'est qu'ils nous font là, que je vais vous passer, c'est Vastulita Yoko Mura. Alors on se fout de la gueule de mon basque. Ouais, moi j'ai plus rien. C'est clair. Qui signifie massacre responsable. La pochette de l'album montre une petite famille à l'heure du repas, sourire carnassier à l'idée d'engloutir l'énorme rôti posé au milieu de la table. Tout va bien, les bestiaux ont été tués dans des conditions éthiques et responsables. C'est donc un massacre responsable. Vastulista Yoko Mura. Voilà. Et merci à François d'avoir signalé cette œuvre de Ourit que je vous passe maintenant. Ah oui, bah voilà, hein. Vous avez compris. Pas tout. Moi, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Justice Divine. C'est un nouveau projet du guitariste de Syndrome 81, Lionel Cadieu. C'est du post-punk Cold Wave qui nous vient de Brest. Tout a été enregistré par Lionel dans son home studio et il s'accompagne par trois autres musiciens en live. C'est sorti chez Destructure Records en décembre 2024. Et c'est dispo aussi chez Born Bad Record à Paris. On écoute tout de suite « La vengeance est un plat qui se mange » de Justice Divine. Yeah. Ça y est, on est dans la partie de l'émission qui fait plus post-punk, wave, machin. Peut-être c'est pas. C'est ça. Bah, non, j'ai un peu plein de trucs différents ce soir. Eh bien, différé, madame, différé. Il est 20h30, l'ancienne heure de Jamie. C'est qui parle, là? Bah, c'est Jamie. Bah, allez, Jamie. Ah ouais, si, c'est Jamie. Il y a qu'on lui dise, vas-y, Jamie. Ah bah, je vais passer un... Feu vert. Une météorite, alors. Un truc The Meteors, c'est ça? Non. Ok, non, je pensais que c'était question pour un champion. Un stup, là. Il y a Stupéflip qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps. En novembre, ouais, c'est plus il n'y a pas longtemps. Oh. Ouais. Ouais. Quoi, un album de remix et tout ça. Ok. Ouais, son de ouf. Et j'ai bien envie de passer Haters Kill. Bah, vas-y, moi je suis chaud. Ouais, pareil. Ouais. Moi je vois un Stupéflip et c'est pas ce qui est marqué, mais j'ai pas grave. Ouais, ça doit être ça. Ouais, allez, je lance, ils ne connaissent rien, donc c'est bon. Stupéflip alors? Ouais, Stupéflip toujours. Dans un coin de ta tête. Ah non, c'est 93, ouais. Ah ouais, ouais. C'est pas grave. Merci Jamie. Il est parti au bistrot comme tout à l'heure. Il n'y a pas que c'est clair. Hop, il lance le morceau. Il lance son truc, il se casse. Putain. Bon, allez, il est enfin venu le temps d'entendre quelque chose de nouveau de la part du groupe serbe qui vient de Novi Sad, Vrnjačko nasilje. Bien. Il s'agit de la chanson Prezirem, Je méprise, que le groupe a choisi comme single d'annonce de leur prochain album qui s'appellera Sapientia Mundi. Et qui sortira du latin, du latin. Et qui sortira sur le label croate Dirty Old Empire. En termes de son, la chanson représente leurs sentiments sur tout ce qui est arrivé dans leur ville, Novi Sad, et leur pays, la Serbie, au cours des derniers mois. Manifestations de masse contre le gouvernement serbe corrompu qui rejette la responsabilité des 15 morts dans l'effondrement de la gare de Novi Sad. Et ça continue d'ailleurs, hein, les manifs et tout le bordel. Maintenant, ça s'étend aux pays aux alentours. Et ça reste d'actualité, même si la chanson a été écrite il y a 2 ans. Nous, à PCR, on ne va certainement pas attendre 2 ans pour vous la diffuser. C'est tout de suite le groupe Verjnasko Nazilje sur Radio Campus Lille 106,6 avec leur morceau Prezirem. Oi. Claude Roger, arrêtez un petit peu. Hein. Tout à l'heure, vous parliez de groupes où il n'y a pas de meufs et tout ça. Bah là, moi, j'en ai un où il y a 3 nanas, voilà, et qui va passer lundi prochain au Bel Ouvrage. Vous avez là, place Philippe Lebon. Juste à côté, là. À côté de Steglis. Tu connais pas le Bel Ouvrage ? C'est à côté du Tiernanog. Le fameux Tiernanog. Et donc, rendez-vous ce lundi à 20h30 pour voir Kermesse. Kermesse, poète. C'est pour rire. Un groupe qui se décrit comme synth-punk. Mais quand même, c'est bien lourd et bien revendicatif. Vous allez pouvoir entendre ça dans pas longtemps. Et puis, il y aura aussi un certain Claude Roger qui fait de la musique électronique. Claude Roger. C'est peut-être une Claude Roger, je sais pas, hein, tu sais. C'est un prénom épicène, hein, comme on dit. ouais. Voici donc Kermesse avec Rotten. Voilà. Ouais. Sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit On disait c'était fini. Vous écoutez. Vous écoutez ça va, ça n'a pas enchaîné sur la suivante. Et c'est Pyongyang City Rockers numéro 375. C'est à vous, ma chère Célia. C'est à moi. Ben, moi aussi, je vais parler de groupe de meufs. Ah, bah quand même. Enfin, d'une compile même de meufs. Je voulais parler de la compile de Salut les Iquettes, volume 1. Qui vient de sortir. C'est un LP qui regroupe des groupes formés lors des ateliers organisés par l'association Salut les Iquettes. Le but de ces ateliers, c'est de faire jouer ensemble des personnes qui n'oseraient pas prendre leur place sur scène. Et ils ont été faits en mixité choisie, sans hommes cis. Ah, c'est du racisme. Non, mais c'est le nombre de fois qu'on entend ce genre de conneries. Tu sais. Donc, voilà. C'est vrai. C'est, donc, c'est important la mixité choisie, des fois, pour que les gens puissent s'exprimer sans ressentir une pression. Je dis ça. C'est ça. Ouais. Et donc, tout ça dans le but d'apporter plus de diversité dans les salles de concert. Donc, certains morceaux ont été créés en un week-end lors des ateliers et d'autres par les groupes formés après ces sessions. Parce qu'en général, c'est que des gens qui ne se connaissent pas forcément ou. Fin... qui s'inscrivent à la session, mais qui se rencontrent sur place. Les styles de musique sont assez variés sur la compile. On y retrouve des groupes qu'on a déjà passés ici, comme Canine, Prise Rapide ou encore Ono, It's Diva. Bien, et le LP est disponible sur le Bandcamp. On peut l'acheter direct sur leur Bandcamp de Salut les Iquettes. Et on écoute tout de suite Shut Up de Penty Penty. Le téléphone sonne dans le mais studio on ne peut de Radio Campus. Pas décrocher parce que nous sommes à l'antenne. Il a décroché. Il faudra rappeler. Je décrochais, mais c'était trop tard. Au début de la prochaine plage musicale. Bravo. Non, mais ça sonne tout dit. Hein. Bah ouais, Alors, les gens, ils n'entendent pas. Hein. Je dis ça pour les auditeurs parce qu'en fait, et triste, parce qu'en fait, c'est pas une sonnerie de ring, c'est un flash. Oui, c'est assez désagréable. Ah, là, d'être en faut pas être épileptique. Ça fait mal à ses nœuds, ouais. Berk. Voilà, il est 20h et 45 secondes. 46. Parle pas de police, Jamie. Alors, ah, y en a pas. Tu vas nous passer un groupe dont t'es tombé amoureux, là. Ouais, t'arrêtes pas d'en mais passer. Même là. Du film et tout. Oh ouais. Ah ouais, c'est vrai, il y a un film. Un film ouais. Aussi, ouais. Movie. Ah oui. About Kneecap. Et c'est trop bien. The Orange Scene. Orange Scene. Elle est top, c'est une scène. Vous pouvez la retrouver sur les trucs rouges. Avoir des vidéos. Ouais. Et. Ouais, voilà. Et moi, je vais vous passer Drug Dealing Pagan. C'est la chanson qu'on met quand on doit s'enfuir. Ok. Ouais. Partons tous. Cassons-nous. Nickel. Ouais. Tu peux appeler maintenant. Peter Crocky Heart the Druids. Peter Paraphernalia and Flutes. Kenny Crower, Arxus. A regular lock is jam firm. Drug dealing pagans. Human sacrifice to become famous. Leave a major gold where the pearly gate is. A priest would have us locked up and sedated, cause you can't save us. I'm glinty fat of war a huggy. I wait a real fast chair, sheer got teeth a woggy. He lack and shit a wild soul, I'm rolling through the chalky. Learn ribs and a hot cat, a sheer bunch of bucky. Niana man, road knock, will me give me janu. I regret more, tatty lorik made a canu. To remiss your eye, red the wine, meet the lanu. A shack and door, a tossy martyrs, corner feet the vanu. Knock back into a squeal serin in the holen is glock a mall more to the throne. Ha mead beyond. You don't know what's going on. Nobody knows what's going on. Fuck it. Sheelam gagahamed dood. My knee land with knee station off. I'd eat a void. Ixie and Solomon can the couple of magnum. We like and shit a wad. Told a gent you hate the clagging. I repay more culture's not for to be checking. The geary babe, you're off and you're out and hacking. I'm core a geary dawn. August East Coast is my prone. You can't bet him. You can only get alone. I'd now be free from. It's a slot with free zone. Tired of the answer spare. Couple never belong. My jazz a bit pure. Who I know if they show free to cure. My Jean Lure, he her well gone straw. My heel gone straw. I came, I saw, I gazed in awe. Hanik may an alyak. To all the slip island shin ditch, must my lad. Prinye, your mad country, why not? You'll end up with a brain as big as I've got. Fech, fech, knock back into a squeal sarin in the holen. Is glock and all more to the throne. Hamid Bial, you don't know what's going on. Nobody knows what's going on. Fuck it, Sheelam Gagahamed Duid. My knee land with knee station off, I'd eat a void. Ah, winners on the hand of our son. Like, you know, you don't know what's going on. Nobody knows what's going on. Fuck it, Sheelam Gagahamed Duid. More Bahia Rower, Cahavan in it. When he higgin anal cock, good diggum shit. I'm air starchilin. What's it, belly? Not belly dancing. Crowd surfing, Sinead. Gone, lemme, kiecha, and we are falloon, go mortis. Ah! Ah ouais, voilà. Il fallait qu'il y ait un petit pain comme ça. Ça y est, t'as vexé notre auditeur. Il n'a pas rappelé. Il n'a pas rappelé. Il n'a pas rappelé. Non, c'est pour dire qu'il n'aimait pas le petit cave avant, mais il a oublié depuis. Parce qu'il boit, tu sais. Donc et voilà, il reste encore 12 minutes, là, les gars. Non, même pas 11. Allez. Et je me dépêche parce que moi, il dure 4 minutes, mon morceau. Entright, c'est oi, c'est rock'n'roll, ça encense la violence et ça parle de nos réalités au quotidien. 8 morceaux live sont déjà disponibles sur un premier EP qui vient de sortir chez Primator Crew. Issu de la sorte de la scène effervescente de Montréal, le groupe se compose de membres de King Cans, All the Grudge ou encore Ineptie. Je vous propose d'écouter le morceau Gone, j'adore les chœurs à la fin, qui figure en dernière position de ce EP 4 titres, qui, je le rappelle, est sorti chez Primator Crew le 24 janvier dernier. Yeah. shame of fitting inside out. Come and feel the shame. All I know, there's no temptation. I don't wanna go to your party. The same of feeling inside out. Come and feel the shame. All I know, there's no temptation. I don't wanna go to your party. The same of feeling inside out. C'est vrai que c'est la musique de la salle fumeur. Ce que vous avez entendu juste avant, c'était Toy Commander, un groupe lillois, tiens, qui fait de la pop. À la Green Day. Et joue du violoncelle à la Green Day. Ouais, ouais. Une petite touche Green Day. Ouais, ouais. Allez, on va dire ça. J'en repasserai hein, des trucs comme ça, parce que c'est un peu trop bordélique, votre musique de bar, hein. À qui tu parles? À qui, là? Oui, Tilo. J'en vois. Je te vois. C'est mélodique avec des wow. Mélodieux. Dieu. Et là, en ce moment, c'est Grégory Isaac, ça va être Streetwalker. C'est un vieux truc de 84, 85, je sais plus. Nous marchons dans la rue. Ouais, bah voilà, pareil. Il reste une minute pour dire au revoir. Vous écoutez encore pour une petite minute Pyongyang City Rockers numéro 375, la 376e. Ça sera la semaine prochaine. En attendant, continuez et restez à l'écoute de Radio Campus et de ses somptueux programmes. Et on n'oublie pas. ACAB. Radio Campus Lille, il est 21h.